tocam agora as melhores músicas em inglês. Et galérons, si elle en sait, pour parler. Tu veux, on se voit. Devant. ama toujours prendre de Bélène à Moline pour traverser en l'eau rivière. Thank you. réfléchir pour trouver une solution. C'est l'amour en prison. Même maintenant toute la vie, je sais réfléchir pour trouver une solution. Pour nous vivre dans mon passé. Kaila.